nyoso na vinangai ekititalo nyoso kititalo lole kititalo nyoso kititalo lole kititalo sebela sese sebela sese nyoso na vinangai ekititalo lokola na tango ya Elisa biloko nyoso ekitakitalo na nzela ya bakatre lepreo lola ndeko ekiti nde talo ata moyibi akotaki lola soki ondimeli yawe okokota lola ye lola ndeko ekiti nde talo naboyaki na ngai kokaki le bandoki bayoki nde sonyo o yesu kristo alongisi nga yesu kristo abikisi nga nakoma molongi nalonga milimo nyonso a mabe na kombo na yesu ereye yesu oza nzambe bakimaka mbango te na moto asala likolo na lola likolo mpe na se yesu mosante lololoeaya tobi na mosante lololo lololololo nalobananani ayoka pasi ya motema eyaya nalelela nani ayoka pasi ya motema yaya yesu yesu yesu yesu yesu mosante lololololo tobi ne mosante lololo lololo nalobananani ayoka pasi ya motema yaya Jambe à prophète Canansan, le père de Mirève. Jambe à pasteur Madison, Saint-Air. Vous êtes en Jambe. Bolamwe, bolamwe. Bolamwe, bolamwe. Soki Nathalie, et si Kanaouta. Na maputo pour ça ça ko sala et mon ami ainsi ye ye ye et lui qui m'a gambo ye ye ye ah c'est comme que azantambe yes yes prophète Jean-Si Bikou qui na Luanda yes oyo Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes Kandolo, motema ya mama Chantal, papa na Noana Benedite, apotre Jerry, Mogobe, na Bruxelles, Oza en Zambé. Na yose, na yose, na yose, misala malongaye, na yose, ma promotion ya bien, c'est comme moi mokeo. Serbiaku, Tania, Berziko, Lubasa, les disciples. Et le monde a yes une denio ce simbi. On a yes une denio ce simbi. Le fou de Dieu, l'évangéliste Dani, la Bella. Autorité Jojo Kamani, Zamba Sanaboy, Passagile, Maxé, Massia, Frère Serge Pika, Zamba Sanaboy, de la mer rouge, les apons à Bissot, les apons à Bangouna à Bissoté. Ce qui est Bissot, les qui, Bango Bako Landa, Pe Bako Dinda, Djoboum.